Séminaire du 3 avril 1974 au Panthéon. Parce que j'ai cru que ça se ferait tout seul, mais comme même dans mon école, j'ai vu que personne n'avait franchi ce pas. Alors ça m'incite à en provoquer d'autres à le franchir. Il y a un livre qui vient de paraître, au Chanfreinien. Une collection, dont il se trouve que je la dirige. Si c'est paru dans cette collection, je suis évidemment pas pour rien. Il a même fallu que j'y pense l'entrée. Ce livre s'appelle, c'est un titre, autant celui-là vaut qu'un autre, s'appelle Du Censeur. Il est du nommé Pierre Lejean. Il est professeur à la faculté de droit. Voilà. Alors, j'incite vivement ceux qui, je ne sais pas trop pourquoi, de ce que je dis, je les incite vivement à ce qu'on appelle en prendre connaissance, c'est-à-dire à le lire avec un peu de soin, parce qu'ils en apprendront quelque chose. Voilà. Là-dessus, je commence. Je commence, ou plutôt, je recommence. C'est bien ce qui m'étonne le plus. Je veux dire que j'ai l'occasion à chaque fois de m'apercevoir que si j'ai parlé de l'espoir dans certains termes, une question qui m'était posée, qu'ancienne que je puisse, que puis-je espérer. Et j'avais dit que l'espoir, j'avais rétorqué que l'espoir, c'était une chose propre à chacun. Il n'y a pas d'espoir commun. C'est tout à fait inutile d'espérer un espoir. Alors, moi, je vais vous avouer le mien. C'est celui qui me possède toute la semaine jusqu'au matin où je me réveille à votre intention, c'est-à-dire par exemple ce matin même. Jusqu'à ce moment, j'ai toujours l'espoir que la dernière fois que je pourrais vous dire est nini fini. Peut-être que je sois là, parce que le jour où je le dirai, ce sera avant. Ce sera avant de commencer. Le fait que je sois là vous prouve que, tout particulier que me soit cet espoir, il est déçu. Bon, Alors, moyennant quoi, en me réveillant, j'ai naturellement pensé à toute autre chose que ce que j'avais fomenté pour lui dire. Ça m'est surgi comme ça, que s'il y a, je l'ai déjà dit, mais il faut bien que je le répète, que s'il y a quelque chose dont l'analyse a découvert la vérité, c'est l'amour du savoir. Puisque, tout au moins, c'est ce que je vous fais remarquer à quelque accent qui vous émeuve, le transfert révèle la vérité de l'amour et précisément ceci qu'il s'adresse à ce que j'ai énoncé du sujet supposé savoir. Ça pourrait vous paraître, après ce que j'ai énoncé la dernière fois, avec, je crois, quelque accent, au moins je me l'imagine, enfin j'espère que vous vous en souvenez, non seulement j'ai avancé qu'il n'y avait pas de désir de savoir, mais j'ai même parlé de quelque chose que j'ai articulé effectivement, de l'horreur de savoir. Alors, comment rejoindre ça, si je puis dire? Ben justement, ça ne se rejoint pas. C'est le mariage du ciel et de l'enfer. Il y a un nommé William Blake. Vous savez qu'à dans son temps, à son époque, avec son petit matériel à lui, qui n'était pas mince, armuait ça. Il lui a même donné exactement ce titre. Voilà. Alors, peut-être que ce que je suis en train de vous dire, c'est que le mariage en question n'est pas tout à fait ce qu'on croit. Ce qu'on croit à lire William Blake, précisément. Oui, ceci ne fait que réaccentuer quelque chose que je vous ai dit ailleurs. Quelque chose qu'implique, en tout cas, notre expérience. Et l'expérience analytique que je ne suis ici que pour situer. Qu'est-ce qu'une vérité? Sinon une plainte. Au moins, est-ce là ce qui répond à ce que nous nous chargeons, analystes, si tant est qu'il en est dû, du psychanalyste, ce que nous nous chargeons de recueillir. Nous ne la recueillons pas tout de même sans remarquer. La division la marque la vérité. Qu'elle ne peut pas toute être dite. Voilà. C'est notre voix, la voix. Il y a longtemps que ça, on parle. Si on la met en premier dans un énoncé, j'espère, enfin, est en train de vous corner aux oreilles. Si on la met en premier, c'est bien que c'est de ça qu'il s'agit en premier, quoique les solutions qui s'en sont avancées diffèrent entre elles et de beaucoup. Il s'agirait d'avoir une petite idée de la nôtre. Et puis tout de suite après, quand on énonce ce terme, la voix, tout de suite après, on parle de la vérité. Si elle est ce que je viens de dire, et quelque chose comme une planche pourrie, et puis entière. Enfin, quelqu'un, en tout cas, a osé, comme ça, a dénommé Saint-Jean. Enfin, il a parlé de la vie. Son d'imprudente émission de quoi? De voix. voix à écrire tout autrement. V-O-I-X, celle-là. Sont d'imprudentes émissions de voix qui énoncent ces couplages. Vous pouvez remarquer que le couplage dans l'occasion, ça va par trois. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? Dans l'occasion, c'est bien quelque chose qui dans ce trois, alors fait. Fait un trou. Je sais pas si vous savez ce que c'est que la vie. Mais c'est tout de même curieux que ça fasse problème. La vie que pour l'occasion j'écrirais bien comme j'ai fait de la langue. En un seul mot, mais ça ne serait que pour suggérer que nous n'en savons pas beaucoup de choses, sinon qu'elles se lavent. À peu près la seule marque sensible de ce qui rentre dans la vie. Enfin, ces couplages, qu'est-ce que je suggère ici? À partir de l'expérience qui se définit d'analytique, qu'est-ce que je suggère ici? Est-ce ces couplages de les penser? Si c'était ça, ce serait, enfin, cette espèce de bascule qui serait chute dans le discours universitaire. C'est là qu'on pense, c'est-à-dire qu'on perd. Je vous fais remarquer que dans ce discours, je ne suis comme ça. C'est un petit test simplement, je ne vois du tout que je m'entarque. Je ne suis pas reçu, je suis plutôt supporté, toléré. Tout ça nous ramène au statut de ce que j'énonçais la dernière fois, enfin, lié à notre rapport de vous, de moi. Et que je mettais en suspens entre la voix et c'est l'acte de dire. J'ose espérer que l'acte de dire y a plus de poids, quoique c'est de cela que je puisse douter, puisque ce doute, c'est ce que la dernière fois j'ai émis comme tel. Si c'est l'acte de dire, c'est celui-là que je reçois d'une expérience codifiée. J'ai aussi énoncé, vous voyez, j'insiste à me répéter, j'ai aussi énoncé ceci. Que faut-il, au sens de qu'est-ce qui manque, pour que cette expérience codifiée, elle ne soit pas à la portée de tout le monde. C'est pas une question de division du travail. À savoir que tout le monde puisse pas s'employer à analyser le reste. C'est pas à la portée de tout le monde un fait de structure dont j'ai essayé de rappeler la dernière fois, ou tout au moins d'indiquer à quoi j'entends l'emmancher. Il ne peut pas être à la portée de tout le monde. Remplir cet office que j'ai défini à l'instant de recueillir la vérité comme plainte. Quel est le statut de ce mariage que j'ai évoqué tout à la suite, en le mettant sous le patronage de William Blake. Quand je dis que ce n'est pas à la portée de tout le monde, ça va loin. Cela implique qu'il y en a à qui c'est de fait interdit. J'énonce les choses ainsi. J'entends me démarquer de ce qu'il y aurait ceci, ceci qu'avance Hegel quelque part. De ce rejet. Inscrit, dit-il, dans ce qu'il appelle la loi du cœur, ce rejet du désordre du monde. Hegel montre que si ça se fait, c'est facile. Et il a bien raison. Il ne s'agit pas de produire ici le désordre du monde. Il s'agit d'y lire le patou. Est-ce la substitution à l'idée de l'ordre? C'est très précisément ce dans quoi je me propose aujourd'hui d'avancer. D'avancer avec cette question, laisser à l'instant ce qui m'y pousse. Ce qui m'y pousse à en témoigner. Ce patou, en quoi consiste-t-il? Il est évident qu'il ne peut pas se rapporter à ce qui ferait tout. Un monde harmonieux. Alors, le patou, faut-il le saisir quelque part dans un élément? Un élément qui pêche, justement, n'y pas être harmonisé. Est-ce que ça suffit à ce que tout y soit acquis? Permettez-moi là de l'avancer à la bifurcation, à l'arbre. Ouais. Je vous fais remarquer que là, comme ça, mine de rien, à vous poser la question comme ça. Cette bifurcation, c'est aussi bien ce que je viens de faire. Un un signe. Un Y. Que quelque chose qui est sensible, enfin, avec quoi nous frayons. Il y a l'arbre. Il y a le végétal. Il fait branche. C'est son mode de présence. Et je vois pas pourquoi j'irais pas à patauger là-dedans. Dans quelque chose qui quand même se recommande à notre attention parce que c'est le fait de l'écriture. La vieille Oursène, la scène primitive, telle qu'elle s'inscrit de la Bible au début de la dite Genèse. Tentateur, hein? Et puis la gourde, n'est-ce pas, la nommée Ève. Enfin. Et puis le connard des connards, n'est-ce pas. La dent premier. Et puis ce qui circule là, le machin qui lui reste en travers de la gorge, la pomme qu'on dit. Puis c'est pas tout, hein. Il y a le grand-papa qui réplique et puis qui les sonne. Moi, je suis pas contre de lire ça. Je suis pas contre parce que c'est plein de sens. C'est bien justement ce dont il faudrait le nettoyer. Peut-être que si on grattait tout le sens, hein, on aurait une chance d'accéder au réel. C'est même ça que je suis en train de vous enseigner. C'est que c'est pas le sens de la plainte qui nous importe. Ce qu'on pourrait trouver au-delà, définissable comme du réel. Ouais. Seulement pour nettoyer le sens, il faudrait pas en oublier. Parce que sans ça, c'est ça qui fait rejet. Hein. Et dans tout ça, il y a quelque chose qu'on oublie. Et c'est justement l'arbre. Ce qui est énorme, c'est qu'on ne s'aperçoive pas que c'était ça qui était interdit. C'est pas le serpent, c'est pas la pomme, c'est pas la connasse, c'est pas le connard. C'était l'arbre dont il fallait pas approcher. Et à lui, personne ne pense plus. Oh, c'est admirable. Mais lui, l'arbre, qu'est-ce qu'il repense? Ça veut dire qu'est-ce qu'il en pense. Ça ne veut rien dire que ceci. Il est en suspens. Précisément ce qui me fait suspendre. Tout ce qui peut se dire au titre de la vie qui se lave. Parce que malgré lave pas, ça se voit. Est-ce que malgré cela, l'arbre jouit? C'est une question que j'appellerai essentielle. Non pas qu'il y ait d'essence en dehors de la question, la question c'est l'essence, il n'y a pas d'autre essence que de question. Comme il n'y a pas de question sans réponse, je vous le serine depuis longtemps. Ça veut dire que l'essence aussi en dépend de la réponse. Ce moment-là, elle manque. Impossible de savoir si l'arbre jouit. Quoi qu'il ne soit pas moins certain que l'arbre, c'est la vie. Ouais. Je vous fais mes excuses d'avoir comme ça imaginé ça. Imaginez de vous présenter ça comme ça, à l'aide de la Bible. Moi, la Bible, ça ne me fout pas la trouille. Je dirais même plus. J'ai pour ça une raison. C'est qu'il y a des gens comme ça qui en ont été formés. Hein? Les juifs, qu'on les appelle généralement. On ne peut pas dire qu'ils n'aient pas cogité sur le machin. La Bible. Je dirais même plus. Non? prouve, tout prouve dans leur histoire, donnez-moi un autre cigare. Tout prouve dans leur histoire. Ils ne sont pas occupés de la nature. Ils ont talmudisé, comme on dit. Cette Bible. Eh bien, je dois reconnaître que ça leur a réussi. Et à quoi est-ce que je le touche? Je le touche à ceci. Oui, disons vraiment. Bien contribuer quand c'est venu à leur portée. Domaine qui m'intéresse, quoique ça ne soit pas le mien, le mien au sens de domaine de l'analyse, qu'ils ont vraiment contribué avec une particulière astuce au domaine de la science. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas eux qui l'ont. Qui l'ont inventé. L'histoire de la science est partie d'une interrogation sur la. Mettez ça entre guillemets, je vous en prie. Sur la nature, sur la fusée. À propos de quoi, Monsieur Heidegger se tortille les circonvolutions. Qu'est-ce que c'était que la nature pour les Grecs, s'interroge-t-il. La nature, il s'en faisait une idée. Il faut bien le dire que l'idée qui s'en faisait, comme le même Heidegger le suggère, elle est bien perdue. Elle est perdue. Je vois pas pourquoi on la regretterait, puisqu'il est perdu, hein? Tellement grand deuil à en faire, puisqu'on sait même plus ce que c'est. Plus que Z, parce qu'il est bien évident que si la science a réussi à surgir, il semble pas d'ailleurs que les Juifs y aient au départ mis beaucoup d'eux-mêmes. C'est après coup, dans la timbale une fois décrochée, qu'ils ont dû mettre leur grain de sel. Et qu'on s'est aperçu que c'est clair, enfin quoi. L'Einstein a en remettre au grand machin de Newton. C'est lui qui tient le bon bout. Puis il n'est pas le seul, il y en a d'autres que... Je vous nommerai à l'occasion, mais je ne peux pas parler de tous à la fois. Parce que ils pullulent et puis qu'ils ne sont pas tous dans le même coin. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est quand même frappant qu'il ait suffi de ce sacré machin-là. L'écriture par excellence, qu'on dit. Qu'il ait suffi de ça pour qu'il rentre dans le truc de ce que les Grecs ont préparé et préparé à quelque chose qui n'est à distinguer de l'écriture en tant que la spécifie, enfin, que ce soit possible à lire. Que quand ça se lit, ça fait un dire. Un dire à dormir debout, naturellement, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure à propos de cette scène à la mort moelle d'oie. Un dire à dormir debout, mais un dire, il est tout à fait clair que si le Talmud a un sens, ça consistait précisément à vider de sens ce dire. C'est-à-dire à n'étudier que la lettre. Et de cette lettre, induire des combinaisons absolument loufoques dans le genre d'équivalence de la lettre et du nombre, par exemple, mais c'est tout de même curieux que ça soit ça qui les ait formés. Et qui se trouve à la page... quand ils avaient affaire à la science. Oui. Alors, c'est ce qui m'autorise, je dirais, j'irai à faire comme eux, à ne pas considérer comme un champ interdit ce que j'appellerais la mousse religieuse à laquelle je recourais tout à l'heure. Ce que j'appelle la mousse, là, c'est le sang. Simplement, le le sens à propos de quoi j'essayais justement de faire le nettoyage. En posant la question de l'arbre. Qu'est-ce qu'il est, l'arbre? Et qu'est-ce qu'il est sur un point très précis que j'ai désigné, parce que je reste pas en l'air. Est-ce qu'il jouit? La mousse religieuse peut donc être aussi bien du matériel de laboratoire. Nous en servir puisqu'elle nous vient, enfin, avec ce que j'appelle en la faisant basculer tout entière d'un côté, ce que j'appelle la vérité, parce que bien sûr c'est pas la vérité vidée, hein, c'est la vérité comme ça, foisonnante. Voilà, je peux quand même bien vous indiquer que c'est pas pour rien, enfin, qu'il y a des juifs biologistes. Moi, je viens de lire un truc, dont aussi bien je vous donnerai le titre, enfin, c'est le bouquin, là, sur la sexualité et les bactéries. Il y a une chose qui m'a frappé, enfin, la lecture de ce livre que j'ai lu avec passion de bout en bout, parce que c'était dans mon fil, comme ça. C'est que si l'amibe, la petite saloperie là que vous regardez au microscope là, qui manifestement frétille, hein, elle vous bouffe des trucs, bon, ça c'est sûr qu'elle joue. Pour la bactérie, je m'interroge. Est-ce que la bactérie jouit? Je peux quand même pas dire que c'est dans Jacob que je l'ai découvert. Faut pas exagérer, j'avais eu comme ça une rumeur, des trucs. Hein. Mais dans ce Jacob, qui d'ailleurs est dans l'occasion associé à un nommé Volman, c'est ce qui c'est qu'il n'y a rien de tel au monde qu'une bactérie pour pouvoir être infectée. C'est pour te dire que la bactérie ne nous apporterait absolument rien s'il n'y avait pas le bactériophage. Ça se dégage. Mais enfin, c'est certain que le fait que, comme son nom l'indique, Jacob soit juif, c'est certainement pas pour rien que son rapport d'expérience accumulée, minutieuse, foisonnante, que son rapport sur ce qui se passe entre la bactérie et le bactériophage ce soit là, que nous puissions prendre le sentiment, disons, que de l'infection, son infection par le bactériophage, la bactérie jouisse éventuellement. Si on y regarde de bien près, enfin, reportez-vous au texte. Moi, je vous l'indique. Ça va en faire un second qu'il va vous falloir vous fourrer dans les poches. Seulement, celui-là, il est très difficile à trouver. Il est archi épuisé, ce machin-là, qui est paru en Amérique. C'est emmerdant. Ce serait tout de même pas mal que vous vous en fassiez tirer des photocopies. Il y en a aussi peut-être un en français qui circule. Mais je ne peux pas vous dire, moi je ne me suis pas précipité parce que j'ai lu les choses en anglais. Enfin, il y en a aussi un en français dont je ne sais même pas encore s'il se trouve. Vous voyez quelle est ma bienfaisance. Je vous l'indique au moment où vous allez donc me faire la plus effroyable concurrence si je veux me le procurer. Enfin, tant pis. Il y a toujours la photocopie. C'est, en fin de compte, de là que se touche le joint. Un joint qui est très particulier. Jacob, par là, manifeste qu'il y a sexe au niveau de la bactérie. Il ne le manifeste que de ceci. Lisez bien le livre. Qu'entre de bactéries de la même lignée. Soit ce fameux Escherichia coli qui a servi de matériel de laboratoire à ce niveau-là. Qu'entre deux mutations de bactéries, de la même provenance, ce qui constitue le sexe, ces mutations, il n'y ait pas de rapport possible. Ceci veut dire qu'une lignée de bactéries dont la mutation consiste en une possibilité de foisonnement plus grande que dans l'autre. Alors que c'est au niveau de cette possibilité de foisonnement que l'autre se distingue. Foisonnement plus, fertilité, qu'ils appellent ça en anglais. Foisonnement. Les foisonnantes plus quand elles se rencontrent avec les foisonnantes moins les font muter du côté du foisonnement alors que les foisonnantes moins quand elles vont au foisonnant elles ne les font pas muter du côté du foisonnant moins. C'est donc essentiellement du non-rapport entre deux rameaux. Nous le retrouvons, notre petit arbre. C'est donc du non-rapport entre deux rameaux d'un même arbre que pour la première fois suggère au niveau de la bactérie l'idée qu'il y a une spécification sexuelle. Alors vous voyez dans quelle note ça peut me toucher. Parce que de retrouver ce non-rapport à un tout autre niveau de la prétendue évolution de la vie, qui est celui dont je spécifie l'être parlant, c'est quand même quelque chose qui est bien fait pour me retenir et pour du même coup essayer aussi de vous mettre un peu au parfum. Parce que, en somme, ce que ça veut dire, c'est que dans sa première apparition, qui d'ailleurs n'a strictement rien à faire avec sa seconde apparition, qui est une pure homologie. La sexualité, ce n'est pas du tout la même chose. Mais que ça puisse être à l'occasion, à un niveau de l'arbre, une chose liée à l'infection et à rien d'autre. C'est quand même, c'est quand même digne de nous retenir. Bien sûr, ça ne veut pas dire non plus nous précipiter, hein. Faut pas se précipiter, surtout, parce que c'est la meilleure façon de se foutre le doigt dans l'œil. Mais enfin, c'est sensible. Et que la question de la jouissance se suggère dès l'infection, sexualité à portée limitée, c'est aussi digne de nous retenir. Bon. Quand je dis ne pas se précipiter, hein, ça veut dire aussi ne pas se laisser mener par le bout du nez. Y a-t-il les choses par un autre bout. Y a-t-il du savoir dans le réel? Il est essentiel que si je rompe, puisque sinon moi, du moins vous, vous êtes jusqu'ici laissé mené par le bout du nez. C'est-à-dire que vous vous arrêtez là où je m'arrête moi-même, pour ne pas me laisser mener du même bout. Posez la seconde question, celle que j'avance maintenant, après m'être laissé mener dans la mousse religieuse. En quoi ça a-t-il de l'intérêt que maintenant je reparte? C'est quand même, c'est pas difficile à sentir, n'est-ce pas? La jouissance, elle fait éruption dans le réel. Et qu'il y aura un moment qui sera plus tard, parce qu'il faut quand même bien serrer les choses, hein, où la question se retourne. Le réel. Qu'a-t-il à répondre si la jouissance l'interroge? Et c'est en quoi je commence, là vous voyez le lien, en quoi je commence à poser la question. Le savoir, c'est pas pareil que la jouissance. Je dirais même plus. S'il y a un point où je vous ai mené, enfin, en partant de ce savoir qui s'inscrit de l'inconscient, c'est bien que le savoir, c'est pas forcé qu'il jouisse lui-même. Et c'est bien pourquoi. Maintenant, rupture. Reprends un fil d'un autre bout. Dont aucun terme ne se rencontre dans ce que j'ai avancé d'abord. Je reprends le fil par un autre bout. Question du savoir dans le réel. Il est bien clair que cette question, comme toutes les autres, ne se pose que de la réponse. Je dirais même plus. De la réponse telle que je viens de l'accentuer. L'inconscient, au sens de Freud, c'est au nom de quoi je pose la question du savoir dans le réel. Mais je ne la pose pas en donnant à l'inconscient de Freud toute sa portée. Je dis seulement que l'inconscient ne se conçoit d'abord que de ceci que c'est un savoir. Mais je me limite à ça. C'est au nom de ça que la question du savoir dans le réel prend son sens. Il y en a. Et il n'y a pas besoin de l'inconscient de Freud. Pour qu'il y en ait. Il y en a selon toute apparence, sans quoi le réel ne marcherait pas. Voilà d'où je pars, qui, vous le voyez, est d'une toute autre allure. D'une allure grecque, celle-là, justement. Le réel, c'est comme le discours du maître. C'est le discours grec. Le réel, il faut que ça marche. Et on ne voit pas comment ça marcherait sans qu'il y ait dans le réel du savoir. Alors là aussi, hein, ne pas se précipiter. Là, c'est plus de se laisser mener par le bout du nez qu'il s'agit, là. C'est de s'engluer avec ce pas. Il faut bien en trancher le cadre. Si j'ai fait ce pas dans le réel, faut que je découpe toute la glu, tout autour, pour pas y rester collé, hein. Et ça, dans le réel, c'est, si j'ose dire, ce qui ne veut rien dire, hors d'un sens. Dans le réel, ça veut dire ce qui ne dépend pas de l'idée que j'en ai. Un pas de plus avec la même colle au pied. Ce à quoi que j'y pense n'importe pas. Que je pense à lui comme ça, le réel, c'est ce qui s'en fout. Et c'est bien pour moi que la première fois que j'ai essayé de faire vibrer cette catégorie, enfin, aux oreilles de mes auditeurs, cette Sainte-Anne, je peux pas dire que je n'ai pas été gentil, hein. Je leur ai dit le réel, c'est ce qui revient toujours à la même place. Qui est justement le mettre en place. La notion de place, elle surgit de là. Alors, en disant ça, je mets le réel, je le situe justement, je le mets à sa place. D'un sens, ne l'oublions pas. D'un sens, en tant que su. Le sens se sait. J'en ai même au point qu'on est étonné, hein, vu le génie de la langue, qu'on n'en ait pas fait un seul mot, hein, qu'on ait pataugé le sensé, le sensible, tout ce qu'on veut, mais que ça ne fait pas fini par se cristalliser le sensu. Il faut croire que ça avait des échos qui nous plaisaient guère. Ce que je suis en train de dire par là, en tout cas de vous avancer concernant le réel, c'est ça d'abord. C'est que le savoir dont il s'agit dans la question « Y a-t-il savoir dans le réel ?» est tout à fait à séparer de l'usage du « su » dans le « sensu ». C'est du sens, à partir de là, que je détache le réel. mais ça n'est pas du même savoir que je questionne. Pour savoir s'il y a du savoir dans le réel. Le savoir dont il s'agit dans la question n'est pas cet ordre de savoir qui porte sens, ou plus exactement, qui du sens est porté. Et je vais tout de suite l'illustrer. L'illustrer d'Aristote. Il est tout à fait frappant. Dans sa physique, Aristote, et depuis un bon bout de temps, enfin, fait le saut par quoi ? Par quoi se démontre que sa physique n'a strictement rien à faire avec la fusis dont Heidegger essaie de nous faire ressurgir le fantôme. C'est que ce à quoi il s'en prend, pour répondre à la question qui est celle que je pose maintenant, y a-t-il du savoir dans le réel ? Il s'en prend au savoir de l'artisan. C'est que les Grecs n'avaient pas le même rapport à l'écriture. La fleur de ce qu'ils ont produit, c'est des dessins, c'est tirer des plans. C'est leur idée de l'intelligence. Il ne suffit pas d'avoir une idée de l'intelligence pour être intelligent. Ça vous est spécialement adressé, cette recommandation. Et il est surprenant que ce soit Aristote qui nous le prouve. Cet artisan, Dieu sait ce qu'il lui impute, c'est le cas de le dire. Il lui impute d'abord de savoir ce qu'il veut, ce qui quand même est raide. Où est-ce qu'on On a vu quelqu'un qui se dépêtre. En artisan. Sache ce qu'il veut. C'est Aristote qui lui planque ça sur le dos. Grâce à Aristote, l'artisan cause finale. Et puis aussi pendant qu'il y est, je ne vois pas pourquoi ce qu'il l'arrête, n'est-ce pas? Il cause formelle aussi. Il a de l'idée, comme on dit. Puis après ça, il cause. Il cause même moyen. Enfin, il cause efficient, pour tout dire. C'est encore heureux si Aristote laisse un bout de rôle à la matière. Là, c'est elle. Elle cause matérielle. Ça cause même à tort et à travers. Est-ce que pour prendre les choses comme ça, au niveau d'où ça sort. C'est-à-dire le pot. C'est comme ça que c'est sorti. Non pas bien sûr qu'ils savaient faire que ça, les Grecs, qui savaient faire des machins enfin, beaucoup plus compliqués. Mais tout ça, ça sort du pot. Quand je pose la question, s'il y a du savoir dans le réel, c'est précisément pour exclure de ce réel qu'il en est du savoir de l'artisan. Non seulement le savoir de l'artisan ne cause pas, mais c'est exactement cet ordre de savoir auquel l'artisan sert parce qu'un autre artisan lui a appris à faire comme ça. Et loin que le pot est une fin, une forme, une efficacité et même une matière quelconque. Le pot, c'est un mode du jouir. On lui a appris à jouir, à faire des pots. Et si on ne lui achète pas son pot, et ça, c'est le client qui l'a à sa jugeote. Si lui on ne achète pas son pot, ben il en est pour sa jouissance. C'est-à-dire qu'il reste avec. Et que ça va pas très loin. C'est un mode qu'il est essentiel de détacher de ce dont il s'agit. Quand je pose la question, s'il y a du savoir dans le réel. Je pourrais quand même savoir s'il y en a ici quelques-uns qui ont été, je ne sais pas, à l'exposition des fouilles chinoises, archéologiques, on appelait ça, des fouilles chinoises, là, qui était-ce qu'avait trouvé de mieux à nous envoyer le pays de Mao. Là, vous pouvez voir, à ce niveau-là, parce que il y a des raisons pour que dans cette zone, enfin, on puisse encore voir les peaux au moment de leur surgissement. Il est tout à fait clair que ces peaux absolument saisissant, admirable. Ces peaux du temps de l'apparition des peaux. Quand pour la première fois on a fait des peaux, on leur fout trois pieds comme par hasard. Mais c'est des pieds qui ne sont pas des pieds qui se vissent. Vous comprenez, c'est des pieds qui sont là dedans. Continuité du pot. C'est des pots qui ont des becs dont on peut dire que toute bouche est indigne à l'avance. C'est des pots qui sont eux-mêmes dans leur avènement, enfin. Une chose devant quoi on se prosterne. Est-ce que vous croyez que ce surgissement-là c'est quelque chose qui est quoi que ce soit à faire avec la décomposition aristotélicienne. C'est beau, il suffit de les regarder pour voir qu'en somme, ils peuvent servir à rien. Mais il y a une chose certaine, c'est que ça a poussé. Enfin, ça a poussé enfin, comme une fleur. Aristote fallait les décompose, enfin, n'est-ce pas? Les concauses de quatre causes au moins différentes, enfin, c'est quelque chose qui à soi seul, enfin, démontre que les peaux sont d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que je vous en parle, puisque justement je les mets ailleurs? vous en parle. Parce que si c'est le client qui finalement a jugé du faux, faute de quoi le potier, enfin, il peut se mettre la ceinture. Ça nous démontre quelque chose. C'est que c'est le client qui non seulement achète le pot, mais qui l'artisan, le potier, si je puis m'exprimer ainsi. Et il suffit de voir la suite de cette liaison qu'il y a entre le fait que le pauvre, enfin, soit si bien fait que le potier est porté en pinacle. Pour s'apercevoir que cette vieille histoire, c'est exactement la même que celle d'où a surgi la notion de Dieu. C'est si bien fait qu'on imagine que Dieu est un potier, exactement tout comme l'artisan. Le Dieu dont il s'agit, c'est... Autrefois, mon vieil ami André Breton avait cru prononcer un blasphème en disant que Dieu est un porc. C'est pas pour rien que la dernière fois, je vous ai dit que j'ai jamais encouragé les surréalistes. Non, pas du tout, que moi j'abrégerais et je dirais que Dieu est un pauvre. Dieu est un empoté. Dieu est le potier, c'est vrai, mais le potier aussi est un empoté. C'est le sujet. Du savoir supposé à son art. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit quand je vous pose la question, y a-t-il du savoir dans le réel? Parce que ça, c'est ce qu'on a rencontré le jour où du réel on a réussi à arracher un brin. C'est-à-dire au moment de Newton, où quand même c'est arrivé, et que là, pour que le réel fonctionne, réel au moins que la gravitation, c'est-à-dire pas rien quand même, parce que nous y sommes tous vissés, à cette gravitation, et rien de moins que par notre corps, jusqu'à nouvel ordre, non pas qu'il s'en soit une propriété, comme l'a bien démontré la suite. Et on y est vissé, Israël. Et là, qu'est-ce que c'est, enfin, qu'il y a tracassé les gens au moment de Newton? Ça n'est rien moins que ceci. C'est cette question. Dont je dirais, enfin, qu'elle concernait, enfin, ce dont il s'agissait, c'est-à-dire les masses. C'est le cas de dire, les masses. Comment ces masses pouvaient-elles savoir à quelle distance elles étaient des autres? Pour qu'elles observent la loi de Newton. Il est absolument clair que... qu'il faut Dieu, là. On ne peut pas tout de même prétendre que les masses comme telles, c'est-à-dire définies par leur seule inertie, par où leur viendrait la notion de la distance à laquelle elles sont des autres masses. Et qui plus est, de ce qu'il en est, ces masses elles-mêmes, pour se conduire correctement, autant frais où cette élucubration newtonienne est sortie, ça n'a échappé à personne. C'était la seule notion, enfin, qu'on pouvait lui opposer, c'était les tourbillons de Descartes. Malheureusement, les tourbillons de Descartes, ils n'existaient pas. Et tout le monde pouvait très bien s'en apercevoir. Alors, il fallait Dieu pour informer, enfin, à tout instant. C'est même au point que non seulement il fallait qu'il soit là pour informer à tout instant les masses de ce qu'il en était des autres, mais on supposait même qu'il n'avait peut-être pas d'autre moyen que de les pousser du doigt, les masses, lui-même. Ce qui, bien sûr, était exagéré. Parce qu'il est clair que du moment qu'il y a l'accélération inscrite déjà dans la formule, le temps aussi y était. Donc il n'y avait pas besoin du doigt de Dieu. Mais pour l'information, quand même, à savoir ce dont il s'agit, le savoir dans le réel, ça quand même, c'était difficile de l'exclure. Et ce dont je vous parle, moi, ici, c'est du savoir dans... Coupure fin de bande.